بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre Adwa min Fatah au Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah fil Aqidah de Cheikh Salih al-Fawzan. Et c'est les lumières de certaines sur certaines des fatwas de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah au sujet de la Aqidah, de la croyance. Et c'est bien entendu des résumés, hein, des petits éclaircies sur certaines parties des fatwas de Ibn Taymiyyah dans l'Aqidah qui sont tirées de son Majmou' Fatawa, qui sont tirées de son recueil de fatwas. Et on était arrivé au dernier cours, au chapitre où il explique ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré aux musulmans en ce qui concerne son comportement envers les gens. Et on expliquait, il y a certains points à propos de ces choses-là. Alhamdoulilah, on voit dans les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qu'il nous explique et qu'il nous clarifie vraiment bien la signification du tawhid, la signification de l'unicité d'Allah dans l'adoration et tout ce que ça peut impliquer. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bénéfique pour le musulman, parce que ça l'aide à perfectionner son adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala et à approfondir sa dévotion puis sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala quand il a une bonne compréhension, une compréhension plus profonde de la réalité de ce que signifie l'unicité d'Allah, le tawhid et la sincérité envers Allah, de purifier notre adoration pour lui et ainsi de suite. Donc franchement, celui qui étudie les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il ressent directement l'effet. Fait tawhid au lieu de shirk. فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله فعبده لا يشرك به شيئا كان موحدا ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه فهذا يخلص به العبد من الشرك وإعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم يخلص به العبد من ظلمهم وبطاعة ربه واجتناب معصيته يعني يخلص العبد من ظلم نفسه وقد قال تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نعم يعني فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الدعاء يا عبادي إنما هي أربع: واحدة لي، واحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي لي تعبدني ولا تشرك بي شيئا، والتي لك عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي لهم ما تحب أن يأتوه إليك، وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله وإحسانه، وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب، وهو إنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة. Donc, le Cheikh il explique que le tawhid c'est le contraire du shirk. Et que lorsque le serviteur il a établi le tawhid, qui est le droit d'Allah, hein, et qu'il l'adore sans rien associer avec lui, il adore Allah sans rien associer avec Allah, eh bien, dans ce cas, il devient un muwahhid. Muwahhid, c'est celui qui applique le tawhid, donc qui a unifié Allah et qui a purifié son adoration de toute forme de shirk. Donc, il est muwahhid. D'accord? Donc, tu peux dire d'un musulman qui est sur le tawhid, c'est un quoi? Muwahhid. Barakallahu fikum. Wa min tawhidillah. Et parmi ce qui fait partie donc du tawhid d'Allah, c'est bien entendu l'adoration d'Allah. Et parmi les formes d'adoration, le fait de mettre notre confiance en lui, le fait de mettre notre espoir en lui, le fait de le craindre, tout ça c'est des adorations du cœur. Hein? Ibadat qalbiya. Des adorations qui sont faites par le cœur. Et bien entendu qui ont un effet sur le corps. Ensuite, lorsque le serviteur, il a établi cette adoration-là et le tawhid d'Allah, ça le libère de tout ce qui a rapport avec le shirk. Il se débarrasse du shirk en établissant le tawhid. Et il y a l'aspect du serviteur vis-à-vis du droit des autres créatures, des autres personnes, des créatures, même parmi les animaux, comment il doit agir envers les autres et respecter les droits. Hein, les droits des parents, les droits de la femme, les droits des enfants, les droits des voisins, les droits hein, tout le monde a des droits. Quand tu respectes le droit des autres et que tu délaisses la transgression et l'injustice, alors tu te débarrasses de l'injustice envers les autres. Et il y a l'aspect du serviteur vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire quand il se débarrasse de l'injustice qu'il fait à lui-même en faisant des péchés, lorsqu'il se débarrasse des péchés et qu'il se concentre sur l'obéissance de son Seigneur, eh bien, il se débarrasse de l'injustice qu'il fait à lui-même. Et au dernier cours, à la fin, je vous avais posé la question, j'ai dit, pourquoi on dit que quand quelqu'un commet des péchés, on dit qu'il fait de l'injustice à sa propre personne ou qu'il fait de l'injustice à lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou pourquoi on dit ça? C'est parce que quand quelqu'un commet des péchés, eh bien, il se met sous la menace du châtiment d'Allah. Et lorsqu'il est châtié par Allah, il se fait du tort à lui-même. Donc, en désobéissant à Allah, il se fait de l'injustice à lui-même. Hein? Parce que son corps va être châtié à cause de lui. Hein? Et ensuite, le cheikh, il mentionne un autre hadith qui est un hadith qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne la parole d'Allah, dans lequel Allah a dit j'ai divisé la prière ou l'invocation ou la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, hein, moitié. Et c'est quoi la prière? C'est surat al-fatiha. Quand vous regardez surat al-fatiha, voyez que une moitié c'est la glorification d'Allah et l'autre moitié c'est le serviteur qui demande à Allah de le guider. Donc c'est comme si la prière de la Fatiha, elle est divisée en deux parties, une partie pour Allah et une partie pour le serviteur. Et c'est ça ce qu'il dit dans le hadith justement, sauf que en réalité le bienfait de ces deux parties revient uniquement au serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de quoi que ce soit de son serviteur. Il n'a pas besoin de son adoration ou de ses invocations ou de quoi que ce soit. Si le serviteur adore Allah, c'est pour le bien du serviteur lui-même. C'est pour notre bien à nous. Hein? Et il mentionne l'exemple de ce qui est rapporté aussi dans un autre hadith, rapporté par At-Tabarani, dans à propos du dua, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô mon serviteur, il y a quatre choses. » Une chose qui est pour moi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, une chose qui est pour moi, une chose qui est pour toi, une chose qui est entre toi et moi, ou entre moi et toi, na'am, une chose qui est pour moi, une chose qui est pour toi, une qui est entre moi et toi, et une entre toi et les autres créatures. Puis il explique chacune d'entre elles, qu'est-ce que ça signifie. Donc il dit, la chose qui est à moi, c'est que tu m'adores et que tu n'associes rien avec moi. Celle qui est à toi, c'est que ton action, l'action que tu fais, tu vas être rétribué pour, au moment où tu en auras le plus besoin. Tu vas être récompensé pour qu'est-ce que tu as fait de bien et rétribué pour qu'est-ce que tu as fait de mal. Et il dit, et celle qui est entre moi et toi, c'est que moi, de toi vient l'invocation et c'est à moi de te répondre et de t'exaucer dans ton invocation. Et moi je vais, toi tu m'invoques et moi je te réponds. Et ce qui est entre toi et ta créature et ma créature ou mes créatures, c'est que tu agisses envers eux, que tu agisses envers eux parce que tu aimes que eux ils te fassent. C'est-à-dire tu agis envers eux comme tu aimerais que eux agissent envers. Tu agisses envers eux comme tu aimerais que eux agissent envers. J'attends que les frères me répondent. Je vois que vous êtes ailleurs. Que tu agisses, la celle qui est entre toi et les autres créatures, c'est que tu agisses envers eux comme tu aimerais qu'ils agissent envers toi. Barakallahu fikum. Là, je sens que vous êtes concentrés, وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية. Il dit ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux serviteurs comme aide et guidance. Quand on fait la surat al-Fatiha, quand on la récite, on dit إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Et le cheikh il dit l'aide que Allah donne à ce que Allah donne à son serviteur comme aide et comme guidance, cela fait partie de sa grâce et de son bienfait, de sa bonté. Et c'est un moyen vers ce que Allah aime. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide à l'adorer, eh bien, c'est quelque chose qui va t'aider à te diriger plus vers Allah et vers ce que Allah aime. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Et il l'aime parce que c'est un moyen vers l'adoration d'Allah. Donc, en voulant dire que tu peux pas adorer Allah sans son aide. Tu as besoin de l'aide d'Allah pour l'adorer. Et donc, le serviteur, il demande ce dont il a besoin en premier. Et qu'est-ce qu'il a besoin? C'est l'aide d'Allah pour pouvoir l'adorer. Pour pouvoir se diriger vers le droit chemin et être guidé vers Sirat al-Mustaqim. Et c'est ainsi qu'il peut atteindre l'adoration. C'est ainsi qu'il pourra atteindre l'adoration. Il dit, وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَبَعْدُ النَّاسِ يَقُولُ إِنِّي أَخَافُكَ يَا اللَّهِ وَأَخَافُ مَنْ لَا يَخَافُكَ هَذَا كَلَامٌ سَاقِطٌ لَا يَجُوزُ بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان فالخوف منه قد نهى الله عنه وإذا قيل قد يؤذيني قيل إنما يؤذيك بتصليت الله له وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه فالأمر لله وإنما يسلط على العبد بذنوبه وأنت إذا خفت الله واتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك فإنه قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتصليته يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يصلت عليك كما قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Ici le cheikh il mentionne les propos de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Encore une fois il dit que certaines personnes ils disent: Ô Allah, j'ai peur de toi et j'ai peur de celui qui n'a pas peur de toi. Certaines personnes, ils disent, j'ai peur de toi, ô Allah, et j'ai peur de celui qui ne te craint pas. ou bien je te crains et je ne crains pas, je te crains et je crains celui qui ne te craint pas. Cheikh al-Islam, il dit, ça c'est une parole complètement fausse. Il n'est pas permis de dire ça. Il dit, au contraire, le serviteur, il doit craindre Allah et ne craindre personne d'autre que lui. Et il dit, et celui qui ne craint pas Allah, il est plus bas et plus humilié que, c'est-à-dire qu'il ne mérite pas qu'on le craigne. Celui qui ne craint pas Allah, il ne mérite pas d'être craint. Il est plus bas que ça. Hein? Il est plus humilié et plus bas qu'on ait de la crainte pour lui. Parce que c'est un injuste. Et parce que c'est un allié du shaitan. Donc il dit, la crainte de celui qui ne craint pas Allah, c'est quelque chose que Allah a interdit. On n'a pas le droit de craindre celui qui ne craint pas Allah. Hein? Et si quelqu'un dit, oui mais il peut me faire du mal, il peut me nuire, il peut me faire du tort. Qu'est-ce qu'il répond le cheikh? Il dit, il va seulement te faire du tort parce que Allah lui a donné le pouvoir sur toi. À cause de tes péchés. À cause de tes péchés. Donc, toi, si tu crains Allah et tu te préserves d'Allah en gardant son obéissance et en t'écartant de sa désobéissance et que tu mets ta confiance en Allah, Allah, il va te suffire de son mal. Hein? Il va te suffire dans sa protection contre son mal et contre tout le mal. Hein? Et il ne va pas lui donner le pouvoir sur toi. Et il dit, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 3 dans surat At-Talaq, quand il dit, et quiconque met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah va lui suffire, c'est-à-dire il va lui suffire comme protection, comme protecteur. Et il dit, et le fait qu'il ait un pouvoir sur toi, c'est uniquement à cause de tes péchés et de ta crainte de lui. Hein? Donc il dit, si tu crains Allah et que tu te repens de tes péchés et que tu demandes pardon, Allah ne va pas lui donner aucun pouvoir sur toi. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 23 dans surat Al-Anfal, et Allah ne va pas vous punir, hein, ou ne va pas les punir alors qu'il demande pardon. Tant qu'ils demandent pardon et qu'ils continuent à demander pardon, ils ne vont pas être punis ou châtiés. وهذه مقتطفات من كلام الشيخ رحمه الله على هذا الموضوع الجليل موضوع التعامل مع الله والتعامل مع الناس والتعامل مع النفس وأن من أصلح معاملته مع الله فعبده حق عبادته ولم يعبد أحدا سواه كفاه شر الناس وشر نفسه وأمنه مما يخاف وأما من خاف الناس وأرضاهم بما يسخط الله فإن الله يعكس عليه مطلوبه ويسلط عليه عدوه ويصبح عمله وبالا عليه فيجب على المسلم أن يخشى الله وأن لا تأخذه في الله لومة لائم ويكف عدوانه عن الناس ويكف نفسه عن المعاصي وينصح لإخوانه المسلمين هذا هو السبيل الصحيح والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. Donc Cheikh Al-Fawzan il résume ici, il dit que ça c'est des morceaux de la parole de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah à propos de ce grand sujet, le sujet du comportement qu'on doit avoir envers Allah, le comportement qu'on doit avoir envers les hommes et le comportement qu'on doit avoir avec soi-même. Et que celui qui réforme son comportement et son attitude avec Allah et qu'il l'adore comme il mérite d'être adoré, hein, et qui n'adore personne en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala va lui suffire et va le protéger du mal de tous les hommes et même du mal de sa propre personne, et il va le sécuriser et le protéger contre ce qu'il craint. Hein? Tandis que celui qui craint les hommes et qui cherche à les satisfaire parce qu'il met Allah en colère, hein, il cherche à faire plaisir aux hommes en faisant ce qui amène la colère d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui renverser la situation et va lui faire en sorte, hein, va faire en sorte que ce soit le contraire de ce qu'il veut qu'il obtienne. Et Allah va donner le pouvoir sur lui à ses ennemis. Et ses actions vont devenir un malheur contre lui. Donc il est obligatoire aux musulmans de craindre Allah et de ne pas être pris, hein, par, yani, ne pas être, yani, se sentir, yani, coupable ou malheureux ou coupable vis-à-vis de ce qu'il fait pour Allah, même s'il se fait blâmer par rapport à son obéissance à Allah. C'est-à-dire que il ne craint pas le blâme d'aucun blâmeur. Si quelqu'un le blâme parce qu'il obéit à Allah, ça le dérange pas. Ça le dérange pas. Hein? Il craint pas les blâmes des gens parce qu'il obéit à Allah. Et il s'abstient de faire de l'injustice aux autres, hein, et de transgresser contre les autres. Et il s'abstient de se faire du mal à lui-même en faisant des péchés. Et il fait preuve de sincérité et de bons conseils envers les musulmans en général. Et il dit, ça c'est le chemin correct, la voie correcte à suivre. Et c'est Allah qui donne le succès et qui guide vers un chemin droit. Donc ça c'est qu'est-ce qui conclut cette partie. Maintenant il passe à un autre sujet. فَوَائِدُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. C'est-à-dire des bienfaits de la parole d'Allah lorsque, à propos de la parole d'Allah, guide-nous sur le droit chemin. Hein? Qu'est-ce que ça signifie, guide-nous sur le droit chemin? À chaque prière, quand tu fais la salat, tu récites la fatiha et tu dis « Ihdina as-sirat al-mustaqim » dans chaque raka'a. Dans chaque raka'a que tu fais dans la salat et dans les nawafil et dans les fara'id, tu dis « Ihdina as-sirat al-mustaqim » « Guide-nous sur le droit chemin ». Mais est-ce que tu t'es arrêté 2 secondes pour poser la question à ta propre personne? Mais c'est quoi sirat al-mustaqim? Hein? Tu veux être guidé au droit chemin, tu demandes à Allah de te guider au droit chemin, mais tu sais pas ce que c'est le droit chemin. Alors comment tu veux que Allah il te guide vers le droit chemin si tu sais pas ce que c'est? Donc c'est pas correct. Et donc ici le cheikh il explique, hein, des importances à ce sujet-là. Bien entendu, les ulama, ils ont expliqué Sirat al-Mustaqim de plusieurs façons. Ils ont expliqué Sirat al-Mustaqim, le droit chemin, par rapport, par exemple, au fait que c'est le Coran, hein, c'est la Sunna, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de choses comme ça. D'accord? Mais de façon plus spécifique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ici, le Cheikh, il mentionne, donc Cheikh Al-Fawzan, il dit, فوائد جليلة في معنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. كتاب الله يدل على ذلك في مواضع مثل قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وقوله فباءوا بغضب من الله وقوله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وذكر آيات في هذا المعنى تدل على أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit, là il mentionne, cheikh al-Islam, des points très bénéfiques et très importants au sujet de la signification de la parole d'Allah dans Surat al-Fatiha, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce ou sur qui tu as mis ta grâce, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, hein, al-maghdoub alayhim, al-maghdoub alayhim, c'est-à-dire ceux qui ont la colère d'Allah sur eux, ni le chemin de ceux qui sont égarés, ad-dallun, les égarés. Donc radab en arabe ça veut dire colère, et mardoub c'est la forme, si on veut objet, quand il est objet, mardoub c'est ce contre quoi on est en colère, hein? Mardoub c'est celui qui reçoit la colère ou qui subit la colère, de quelqu'un. Et ici, dans ce cas-là, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit qu'il a été rapporté authentiquement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, les juifs sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les chrétiens sont les égarés. Naam. Hein? Et il dit, et le livre d'Allah prouve cela dans plusieurs endroits dans le Coran. C'est-à-dire, il y a plusieurs versets dans le Coran, quand tu lis, tu vois que Allah, il clarifie ça de façon plus, plus claire. Et il mentionne des versets, comme le verset 60, dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait référence justement à la colère qu'il a envers Al-Yahoud. Yani, il dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, ô prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ah non, ça c'est dans Surat An-Nisa. Donc c'est le verset 60 dans Surat Al-Ma'idah. Ok, naam. Dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire, en fait, de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru la colère d'Allah. Hein? Celui qu'Allah a maudit et celui qui a encouru la colère d'Allah. Donc ça, c'est la preuve que Allah est en colère contre eux. Le verset 90 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, نعم فباءوا بغضب من الله. C'est ça. Ils ont donc acquis colère sur colère. Le verset فباءوا بغضب على غضب. Ils ont acquis colère sur colère, colère par-dessus la colère. Yani subhanallah. Allah est en colère contre eux. Puis ils font une autre chose encore une fois qui amène la colère d'Allah et ça rajoute la colère à la colère d'Allah qui était déjà sur eux, subhanallah. Donc c'est des gens qui attirent sur eux la colère d'Allah à chaque fois. Également, le verset 112 dans Surat Al-Imran. Naam. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne encore une fois, il dit, فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ. C'est-à-dire, ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur. Donc, ça, c'est des exemples qui prouvent, le Cheikh, il dit, ça, c'est des versets qui prouvent la signification du fait que les Juifs sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et que les chrétiens sont égarés, comme cela est confirmé. Donc, ça vient confirmer la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, وقال رحمه الله ابن تيمية encore, ولما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغيرين للمغضوب عليهم وللضالين كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه من الانحراف إلى هذين الطريقين وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وهو حديث صحيح وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى كما يرى في أصول منحرفة في أصول منحرفة أهل العلم من تحريف الكلمة عن مواضعه وقسوة القلوب والبخل بالعلم والكبر وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم وغير ذلك وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في العبادة والصالحين والاتباع في العبادات والابتداع في العبادات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم ما شاء الله très très intéressant. Le Cheikh il dit que donc il dit Ibn Taymiyyah lorsque Allah nous a ordonné de lui demander dans chaque salat de nous guider sur le chemin qui est droit, Sirat al-Mustaqim, le chemin de ceux sur qui Allah a mis sa grâce parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, les vertueux, et qui n'est pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, c'est-à-dire ceux que Allah est en colère contre eux, ou qui se sont égarés. Hein? Il dit, et ça c'est quelque chose qui clarifie aux serviteurs que on doit avoir peur, on doit craindre de dévier vers une de ces deux voies. Il faut avoir peur de tomber dans une de ces deux voies. Hein? La voie des égarés, la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé lui-même, il nous a informé lui-même que il a dit vous allez suivre les exemples et les voies de ceux qui étaient là avant vous, les juifs et les chrétiens. Il a dit vous allez suivre les voies de ceux qui étaient là avant vous pas à pas, même s'ils rentrent dans un trou de lézard, yani à tel point vous allez tellement vouloir les suivre et les imiter que à un point tel que s'ils rentrent dans un trou de lézard vous allez vouloir les suivre dans le trou de lézard et rentrer vous aussi avec eux. Yani, subhanallah. Et quand ils ont posé la question, ô messager d'Allah, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens, ceux dont tu mentionnes, qu'on va les suivre? Il a dit, qui d'autre? Faman, qui? Si c'est pas eux, c'est qui? Hein? Ça c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri. C'est un hadith célèbre et il y a d'autres narrations de ce hadith. Et il dit que les salafs, c'est-à-dire les sahaba et les pieux, prédécesseurs qui nous ont précédés, ils considéraient que si parmi les savants, quelqu'un s'est dévié du droit chemin, il ressemble aux juifs. Il y a une ressemblance avec les juifs dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il il fait partie des gens de science, mais il a dévié. Il dévie dans la science. Alors il a une ressemblance avec les juifs. Et que celui d'entre les adorateurs qui dévie, il a une ressemblance avec les chrétiens. Naam. Et il dit, donc là il donne des exemples de ça. Il dit, tu vas voir par exemple dans les fondements de ceux qui ont dévié parmi les hommes de science, qu'ils déforment la parole de son contexte, comme les juifs. Qu'ils ont la dureté du cœur, comme les juifs. Qu'ils sont avares de leur science, comme les juifs. Qu'ils ont cette arrogance, comme les juifs. Hein? Et Allah, par exemple, ils ordonnent aux gens le bien, mais ils s'oublient eux-mêmes, comme les juifs, et d'autres également. Et il dit que tu vois chez les fondements des gens de l'adoration, et des gens des états, hein, les états spirituels, hein, ceux qui prétendent à la spiritualité et à l'adoration, chez eux, il dit, tu vas voir également de l'exagération au sujet à propos des prophètes et des hommes pieux et de l'innovation dans les adorations comme les chrétiens. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'exagérez pas dans ma glorification comme les chrétiens ont exagéré dans la glorification de Jésus le fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, alors dites Abdullah, dites serviteur d'Allah ou esclave d'Allah et son messager. Hein? Ça c'est rapporté également par Ibn Abbas, selon Ibn Abbas par l'imam muslim dans son sahih. Il dit وَلِهَذَا يُشْرَعُ فِي التَّشَهُدِ وَفِي سَائِرِ الْخُطَبِ الْمَشْرُوعَ كَخُطَبِ الْجُمَعَ وَالْأَعْيَادِ وَخُطَبِ الْحَاجَاتِ عِنْدَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ أَنْ نَقُولَ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. C'est pour ça qu'il est légiféré dans le tashahhud, de même que dans les serments qui sont légiférés le jour de Eid ou les Jumu'ah. Et lorsqu'on fait khutbatul haja, lorsqu'il y a un mariage ou d'autres conseils, quand on fait un dars, on dit un khutbatul haja, on mentionne dedans, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Hein? On mentionne ces deux qualités-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous préserve de l'exagération et de l'extrémisme envers le messager. Puisque en disant que c'est un esclave, serviteur d'Allah, on l'a préservé de ce que les chrétiens ont fait en l'élevant au niveau d'une divinité et en l'adorant en dehors d'Allah. Donc ils ont fait le shirk avec lui en disant qu'il est fils d'Allah ou des choses de ce genre, ou qu'il est Allah incarné, qu'il est Dieu incarné ou des choses comme ça. Donc on dit nous Abdullah. Puis également on est préservé de l'autre aspect de ceux qui dénigrent, hein, qui dénigrent les prophètes, en niant leur révélation ou niant que ce sont des messagers. Donc nous on affirme la révélation, que ce sont des messagers, en disant wa rasuluh et son messager. Il dit وَلِهَذَا يُشْرَعُ فِي التَّشَهُدِ. Donc on a dit ça. Après, Cheikh l'Islam, il explique, il dit وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحَقِّقُ عُبُودِيَتَهُ لِأَلَّا تَقَعَ الْأُمَّةِ فِي مَا وَقَعَتْ فِيهِ النَّصَارَةِ فِي الْمَسِيحِ مِنْ دَعْوَ الْأُلُوهِيَةِ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتْ فَقُلْتُ أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَقَالَ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وصلوا علي حينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى. Donc le cheikh il dit, et que notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Il a concrétisé et réalisé, hein, et purifié l'adoration pour qu'elle soit exclusive à Allah, et la soumission et la servitude que ce soit uniquement pour Allah, pour pas que la Ummah tombe dans ce que les chrétiens sont tombés en déifiant le Messie, Jésus, Isa, le fils de Marie. À un tel point que lorsqu'un homme est venu le voir et lui a dit, hein, Masha'Allahu wa shi'at, ce que tu veux ainsi que toi, ce que Allah a voulu et toi, hein, ce que Allah a voulu et toi, c'est-à-dire ce que Allah a voulu et que toi tu as voulu. Alors l'homme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, est-ce que tu veux me mettre à égalité avec Allah, tu veux de faire de moi un égal à Allah, dis ce que Allah a voulu tout, lui seul, hein, ne dis pas ce que Allah a voulu et moi. Pourquoi? Pour que les gens fassent la claire distinction et la claire séparation entre Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'on adore, et toute autre créature. Et pour que les musulmans sachent qu'on ne doit pas exagérer dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même dans la façon qu'on parle, lorsqu'on parle au messager ou qu'on parle du messager, de ne pas dire des choses qui pourraient être comprises ou être interprétées comme s'il y aurait une quelconque égalité entre Allah et son messager ou une de ses créatures. Même que on sait très bien que le sahabi, quand il a dit ça, il n'avait pas l'intention du tout de mettre Allah et son messager à égalité. C'était pas ça son intention quand il a dit Masha'Allah wa shi'at. C'était pas son intention. Mais c'était pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur ça pour que l'affaire soit claire, pour que nos paroles soient claires aussi, pour que lorsqu'on parle on élimine toute ambiguïté, hein, à propos de la croyance. Donc il a fait ça pour éviter, et c'est ça que les ulama, quand ils parlent de ce sujet-là, ils mentionnent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a protégé les limites du tawhid. C'est-à-dire que les ulama, ils ont dit que ça fait partie des formes de shirk asghar, des formes de shirk mineur, parce que c'est des formes de shirk dans le langage qui peuvent être mentionnées ou des choses qu'on peut dire de façon courante, hein, sans vraiment y réfléchir et sans qu'on ait vraiment l'intention de commettre une contradiction avec notre aqida, hein, mais que il faut quand même faire attention dans notre façon de parler, comment on s'exprime quand on parle d'Allah et quand on parle de ses attributs et quand on parle de sa religion, pour être sûr qu'on ne commet pas d'erreur dans notre langage et pour qu'on soit clair et éviter les ambiguïtés. Et donc ça, c'est pour protéger tout ce qui a rapport avec le shirk, même si c'est pas un shirk en soi, mais si ça peut amener au shirk, que même ça, ça doit être interdit. C'est-à-dire que c'est pas seulement ce qui est shirk qui est interdit, mais ce qui peut nous amener au shirk. Et c'est pour ça que les ulama, ils considèrent parfois que tout ce qui peut amener au shirk et qui n'est pas en soi-même un shirk, eh bien, ça fait partie du shirk mineur. D'accord? Parce que ça peut être un moyen vers le shirk. Naam. Je sais pas à quoi tu fais allusion, Sayyid? C'est quoi le doigt exactement, tu sais pas? En tout cas, tu me le montreras, on va voir, Inch'Allah. Mais il y a un chapitre dans Kitab al-Tawhid à ce propos-là. Et que les ulama, ils ont expliqué que si on utilise Sayyid dans le sens de qu'est-ce que ça signifie comme un maître ou un chef, et que c'est quelque chose qui est concret et réel, donc tu appelles quelqu'un comme étant Sayyid, parce qu'il est vraiment chef. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Hein? Mais si tu l'utilises dans le sens comme honorifique pour glorifier quelqu'un alors qu'il n'est pas saïd, alors dans ce cas-là, c'est blâmable. Et il y a des exemples de ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de Sa'd ibn Mu'az, par exemple, qui était le chef d'une des deux tribus de Médine, l'Aws ou bien l'Khazraj, je me rappelle plus laquelle des deux. Et quand il est venu, il a dit Qumu ila sayyidikum, levez-vous pour votre chef. Hein? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé Naam. Donc, c'est ça. Il y a des hadiths qui mentionnent ça. Tu vois, comme le frère, il le mentionne. Donc, c'est pour faire allusion à ça que si c'est dit dans le sens de décrire une réalité, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Mais si c'est dans le sens de glorifier quelqu'un, d'exagérer dans sa glorification, dans ce cas-là, c'est blâmable. Et c'est l'exemple de certains parmi les sahaba quand ils ont dit Anta Sayyiduna wa ibn Sayyidina. Hein? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit As-Sayyidullah. Le Sayyid, c'est Allah. Hein? Donc dans certains cas, il a utilisé l'expression, il a mentionné cette appellation-là pour désigner certaines personnes. Quand ça s'appliquait dans le sens concret, tandis que dans certains cas, si on l'utilisait envers lui, eh bien, il le rejetait, hein, il refusait qu'on l'utilise. Donc, non. Mais dans les invocations en général, c'est pas mentionné Sayyid. C'est des ajouts, ça, en général. C'est pour ça, vérifie comme il faut dans qu'est-ce que tu dis. Non, exactement. Ceux qui disent, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, il n'y a pas de version authentique qui mentionne Sayyid. Hein, dans les invocations. C'est pour ça que je te dis vérifie, puis tu verras que yani, probablement c'est pas le cas. Yani, wallahu a'lam. Après, il mentionne Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah un autre exemple. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne prenez pas ma tombe comme un lieu de visite constante, c'est-à-dire à laquelle vous revenez, hein, régulièrement. Il dit, faites vos invocations pour moi de là où vous êtes. Et peu importe où vous êtes, votre invocation, c'est-à-dire les doigts que vous faites pour moi, vont me parvenir. Hein? C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, Assalamu alaykum, hein, Ya Rasulallah, ou bien Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, pas besoin d'aller à sa tombe pour faire ça. Peu importe où tu es, hein, tu veux faire des invocations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demander à Allah la bénédiction pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va lui parvenir, peu importe, Allah lui fait parvenir, peu importe où, hein, on se trouve. Et dans l'autre hadith, il a dit dans une invocation qu'il a fait, ô Allah, hein, fais que, ne fais pas que ma tombe devienne une idole adorée. Ne fais pas que ma tombe devienne une idole qu'on adore. Et il a dit, la colère d'Allah, hein, est devenue très dure, très sévère contre des gens qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, des lieux de culte. Et il dit, donc celui qui s'imagine ou qui pense que notre prophète ou autre parmi les prophètes, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, celui qui s'imagine ou qui pense que notre prophète, à propos de notre prophète ou à propos d'autres parmi les prophètes, qu'ils ont quoi que ce soit du droit de l'adoration ou qu'ils ont quoi que ce soit de la seigneurie d'Allah, alors il fait partie de la catégorie des chrétiens. Il rentre dans l'exemple, dans le groupe de ceux qui ressemblent aux chrétiens. D'accord ? Donc il y a des gens comme ça, ils glorifient un prophète, ils exagèrent à propos d'un prophète, en faisant de lui une divinité, ils l'adorent en dehors d'Allah, ils lui font des du'as. Ça c'est, ils suivent l'exemple des chrétiens dans ce cas-là. Il y en a qui vont même leur donner des caractéristiques divines. Ça rentre aussi dans l'exemple des chrétiens. Le cheikh il dit ensuite وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم قال تعالى في خطابه وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار التعزير النصر التوقير التأييد قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه فهذا في حق الرسول ثم قال في حق الله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ذكر طاعة الرسول في أكثر من 30 موضعا من القرآن ثم ذكر رحمه الله جملة منها ثم قال فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق ما شاء الله Petite phrase comme ça, il résume plein des droits du messager, yani, subhanallah. Donc, il dit que les droits des prophètes sont uniquement comme Allah les a mentionnés dans le Coran, comme c'est venu dans le Coran et comme c'est mentionné également dans la Sunna à leur sujet. Et il mentionne ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran à ce sujet-là. Et il mentionne, pour commencer, un verset dans Surat Al-Ma'idah, le verset 12, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'est-ce qu'on doit faire envers les messagers, c'est quoi les droits des messagers. Donc il dit dans ce verset, dans Surat Al-Ma'idah, il dit, je suis avec vous pour vous que vous accomplissiez la salat, à donner la zakat, croyez en mes messagers, et que vous croyez en mes messagers. Puis il mentionne certains droits, il dit les édiers, hein, que vous croyez en mes messagers, les aidiez et faisiez à Allah, ou fassiez à Allah un bon prêt, alors certes, j'effacerai vos méfaits, je vous ferai entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc, le cheikh, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc dans ce verset, نعم امنتم برسل وعزرتموهم التعزير التعزير ça veut dire quoi de les aider hein? De les aider والنصر hein? Donc ça veut dire aussi de les secourir et التوقير de les respecter التأييد ça veut dire de les supporter donc ça c'est notre devoir envers les messagers il cite le verset 8 et 9 dans sourate al-fath également où il y a la mention de certains aussi de ces droits-là, des messagers. On a dit le verset 8, 7 et 8, c'est ça? Non, 8 et 9. Naam. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. C'est ça. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. Pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité. Hein? Donc, que vous l'honoriez, c'est لتعزروه, donc honorer, وتوقروه, que vous reconnaissiez sa dignité. Puis, il dit, et les deux autres choses qui sont mentionnées après, c'est le droit d'Allah. وَتُسَبِّحُهُمْ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ça c'est à propos d'Allah ça dit que vous le glorifiez matin et soir hein? Parce qu'il y a peut-être parmi les soufis il y a ceux qui lisent ce verset là et ils mentionnent les deux choses qui sont mentionnées à la fin du verset comme étant pour le messager aussi alors que non c'est pour Allah لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا c'est pas les deux choses c'est là une chose c'est التسبيح يعني le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et de hein, le glorifier matin et soir donc honorer le messager et reconnaître sa dignité ça fait partie des droits du messager et de glorifier Allah matin et soir ça c'est pour Allah seul hein, ça rentre dans les droits d'Allah. Et un autre exemple qu'il a cité, c'est les versets dans Surat al-A'raf, versets 156 et 157, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le cheikh il cite le verset, il dit Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux hein, qui me craignent. Yattaqoun, yani ceux qui se préservent de moi hein, en obéissant et en s'écartant de ce que j'ai interdit, qui acquittent la zakat, qui ont la foi en nos signes, en nos versets, ceux qui suivent le messager. Et puis après, il y a la description du messager. Il dit le prophète illettré qu'on trouve écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, c'est-à-dire leur ordonne le bien, leur interdit le mal, leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises. Et leur enlève le fardeau et le joug qui était sur eux. Ceux qui croient en lui, donc ici il mentionne les droits, encore une fois, le soutiendront, lui porteront secours, suivront sa lumière qui est descendue, avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Donc, le cheikh, il dit donc ici, il mentionne, Ibn Taymiyyah par la suite, jusqu'à 30 versets dans le Coran où il mentionne, yani, les droits du messager. Et ensuite, après les avoir énumérés, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre, les droits du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et là il énumère ces droits là Il dit, je vais vous les énumérer comme ça. Le premier, il dit, min ta'atin lahu, min at-ta'ati lahu, c'est-à-dire de lui obéir. Le deuxième, wa mahabbatihi, c'est-à-dire de l'aimer. Wa ta'zirihi, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit tantôt, wa ta'zirihi, attends, je ne me rappelle plus. Il y a des termes comme ça, à chaque fois j'oublie. Attends. Vous l'honoriez. Donc, at-ta'zir, on va l'écrire ici, honorer. Naam, wa tu'azziruhu. Wa tuwaqqiruhu. Donc, ça, c'est le troisième. Ta'ziruhu. L'honorer. Ta'ziruhu. Le troisième. Le quatrième, tawqiruhu. Tawqiruhu, ça veut dire que vous, ils disent reconnaître son, sa dignité. Reconnaître sa dignité. Donc c'est comme le respecter. Wa nasruhu, c'est-à-dire venir à son secours. Le secourir. Wa tahkimuhu, donc ça c'est cinq, secourir. Sixième, wa tahkimuhu, c'est-à-dire le prendre comme juge. Septième, ar-rida bihukmihi wa at-taslim ilah. Donc on peut dire septième, d'être satisfait de son jugement et de s'y soumettre. Septième. Huitième, ittiba'uhu, de le suivre. Neuvième, was-salatu wat-taslim ilahu. Yani de demander à Allah subhanahu wa ta'ala yani la bénédiction et yani la paix pour lui. Wa taqdimuhu ala an-nafs wal ahl wal mal, c'est-à-dire de lui donner précédence dans l'amour sur notre propre personne, notre famille et nos biens. Donc de l'aimer plus que nous-mêmes, que nos familles et nos biens. Na'am. Donc ça c'est le dixième. Wa raddu ma yatanaza'u fihi ilayh. Toutes choses dans lesquelles on peut avoir des disputes ou des divergences, de le ramener au messager pour qu'il juge et qu'il tranche entre nous. Ça peut être ramené à qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure de tahkimihi, yani de le prendre comme juge, yani, mais on peut rajouter quand même. Et il a mentionné d'autres également parmi les droits. Moi j'ai mis des numéros, ça ne veut pas dire que c'est numéroté, mais moi j'aime ça mettre des numéros pour énumérer les choses, ça facilite la compréhension. Donc ça fait partie de certains des droits du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh Ibn Taymiyyah il dit wa akhbara anna ta'atahu anna ta'atahu ta'atuhu. Na'am, anna ta'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ta'atullah, ta'atun lillah. Yani anna ta'atahu ta'atuhu. Yani ça c'est une chose, celui qui va lire ça, anna ta'atahu ta'atuhu, c'est-à-dire que l'obéissance d'Allah est une obéissance, l'obéissance du messager c'est une obéissance à Allah, c'est ça que ça veut dire. Et il cite le verset wa man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah wa مبايعته مبايعته إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وقرن بين اسمه واسمه وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال أحب إليكم من الله ورسوله أي نعم وفي الطاعة والمعصية فقال ومن يطيع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله وفي الأذى فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له كما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إياك نعبد وإياك نستعين ثم ذكر آيات كثيرة في هذا المعنى ثم قال رحمه الله توحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره إلى أنه قال وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Donc il dit que ici ensuite le cheikh il mentionne Ibn Taymiyyah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé que d'obéir à son messager c'est de lui obéir à lui. Non, c'est-à-dire que, en fait, il mentionne qu'il a cité 33, à peu près une trentaine de versets, puis, dans ces 30 versets-là, il a extrait, de ces 30 versets, il a extrait les droits des prophètes, et c'est pas dans un seul verset, c'est dans plusieurs versets qu'on trouve ces droits-là. Non, c'est pour ça. Et, c'est celui qui veut avoir, les détails à ce sujet, c'est dans la page 68 dans Majmou' al-Fatawa, le volume 1. Non, page 68 dans Majmou' al-Fatawa, volume 1. Ici ensuite, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que d'obéir à son messager, c'est de lui obéir à lui. Et il mentionne le verset 80 dans Surat al-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. » Et ensuite, il dit et celui qui donne allégeance au messager, il a donné allégeance à Allah. Et la preuve, le verset 10 dans Surat al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui te donnent l'allégeance, ils donnent allégeance à Allah. Ils donnent uniquement allégeance à Allah. Donc c'est en donnant l'allégeance au messager, c'est comme s'ils avaient fait allégeance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans plusieurs versets, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a associé hein, où il a mis ensemble son nom et le nom de son messager un à côté de l'autre et il donne l'exemple de ça par rapport à la mention de l'amour et il dit ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi plus aimé hein, en parlant des choses de la dunya il dit si ces choses là sont plus aimées de vous que Allah et son messager. C'est quoi la différence entre l'amour qu'on doit avoir envers Allah et l'amour qu'on doit avoir envers le messager? C'est quoi la différence entre les deux? Barakallahu fik. Naam, donc qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? C'est que Allah, on l'aime pour lui-même. Hein? On l'aime pour lui-même. Tandis que le messager, on l'aime pour Allah. On ne l'aime pas pour lui-même. Et toutes les créatures, tout ce qui existe en dehors d'Allah, on doit l'aimer uniquement pour Allah et non pas avec Allah et non pas pour lui, pour elle-même. Uniquement pour Allah et non avec Allah. Parce que d'aimer quelque chose avec Allah ou d'aimer quelque chose en dehors d'Allah, ça c'est du shirk. Hein? Ça c'est du shirk. Et ça peut être soit du shirk majeur ou mineur, ça dépend du cas ou de la situation. Donc, ensuite il marque que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné ou il a mis son nom à côté du nom de son messager dans certains versets dans le contexte de l'obéissance et de la désobéissance lorsqu'il dit et quiconque obéit à Allah et à son messager dans le verset 13 dans Surat al-Nisa et le verset 14 et quiconque désobéit à Allah et à son messager le verset 14 dans Surat al-Nisa. Et il a aussi associé ou il a mis ensemble son nom et le nom de son messager à propos de ceux qui lui font du tort ou qui cherchent dans Surat al-Ahzab, le verset 57. Donc le verset dans Surat al-Ahzab 57. Donc ceux qui font offense à Allah et à son messager Hein, certes, ceux qui font offense à Allah et à son messager. Le verset 57 dans Sourate An-Nisa. Il dit, donc ça c'est des exemples de ce que يعني, le messager alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il mérite? Bi abi huwa wa ummi, c'est-à-dire je donnerai mon père et ma mère pour lui. Hein. Il dit, mais en ce qui concerne l'adoration et l'aide, ça c'est uniquement pour Allah. Et personne, hein, Allah n'a aucun partenaire et on doit l'offrir à personne d'autre qu'à Allah. L'adoration, l'ibadah, l'isti'ana, la demande de l'aide, uniquement à Allah. Et les preuves qu'il a citées de ça, c'est yani, le verset 36 dans Surat An-Nisa, et adorer Allah et n'associer rien avec lui. Et le verset dans Surat Al-Fatiha, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Donc on doit demander l'aide et on ne doit adorer que Allah et on ne doit demander de l'aide que à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a mentionné d'autres versets dans ce sens-là. Puis il dit, et donc le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah et le fait de purifier notre religion pour Allah, hein, c'est dans le fait de l'adorer lui seul et de lui demander uniquement à lui de l'aide. Et ça, c'est nombre. Il y a beaucoup de versets à ce sujet-là dans le Coran. Et c'est même le cœur même de la foi, le centre même de l'islam. C'est le début et la fin de l'islam, le tawhid. Et jusqu'à ce qu'ils disent, et d'adorer Allah seul et de suivre le messager, c'est ce qui est expliqué ou c'est ce qui est voulu par le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, ou bien de la ilaha illallah et de Muhammad abduhu wa rasuluhu. Quand tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça veut dire d'adorer Allah seul et de suivre le messager, c'est ça que ça veut dire. Et il dit ila an qal rahimahullah, puis on va finir avec ça. فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار كل هذا لله وحده لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيته والاستعانة متعلقة بربوبيته والله رب العالمين لا إله إلا هو لا رب غيره ولا ملك ولا نبي ولا غيره لا رب لنا غيره لا ملك ولا نبي ولا غيره بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك والشرك أن تجعل لغيره شركا أي نصيبا في عبادتك وتوكلك واستعانتك. Donc le cheikh il dit, jusqu'à ce que Cheikh al-Islam mentionne que l'adoration et la demande de l'aide, hein, et ce qui rentre dans cette signification-là aussi, parmi les autres adorations, comme le dua, l'appel au secours, dans les moments de détresse, la crainte, l'espoir, la repentance, hein, le retour vers Allah, le fait de mettre notre confiance, la demande du pardon, tout ça c'est uniquement à Allah qu'on doit le faire. C'est uniquement pour Allah. Et il n'a aucun partenaire dans ça. Donc, notre adoration, c'est relié au droit exclusif d'Allah d'être adoré. Et la demande de l'aide, c'est relié à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seigneur des mondes. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et il n'y a aucun seigneur en dehors de lui pour nous. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé, et personne d'autre que Allah. Et même que le plus grave de tous les grands péchés, c'est d'associer avec Allah dans l'adoration et de lui donner des égaux, alors que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a créé. Et le shirk, c'est de donner à autre que à Allah une part quelconque de ton adoration, de mettre ta confiance et de demander l'aide à autre que à lui. Donc ça c'est un exemple du shirk. Qu'est-ce que ça signifie? Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et on continuera demain, bi'idhnillah, la suite des exemples de qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a clarifié sur